blond et tu es blond. Tu as les mêmes yeux que moi. Tu es la réussite que je n'attendais pas. Nous deux, c'est une histoire d'homme. Ne va pas le dire à ta mère. Et on ne s'est pas toujours compris. Mais tu deviens un homme. Oui, tu deviens mon ami. Et quand un jour tu partiras, comme on part quand on a 20 ans, si te viennent des